rentrer. L'école m'a demandé ton papa où est-ce qu'il est. J'ai dit que tu reviendrais, mais t'es jamais rentré. Papa, t'es où, papa? Maman plaire au papa. T'es où, papa? Papa, papa. T'es où, papa? Maman plaire au papa. T'es où, papa? C'était pas devenir pompier. Je voulais te ressembler d'un pied, mon pied. Pour moi, tu étais l'homme le plus puissant du monde entier. L'une des seules personnes à qui je pouvais me confier. À l'école, tout le monde en rit. Je suis fatigué de les corriger. Mon papa va revenir. Je sais qu'il nous aime, il est obligé. J'ai plus comment. Ils sont pas à ma place, ils peuvent pas figer. Au final j'ai plus d'amis. Et je crois que c'est ta faute si je suis négligé. Y'a plus rien à manger. Et tu m'as laissé tomber. T'as dit que tu reviendrais, mais t'es jamais rentré. L'école m'a demandé. L'école me demande. Ton papa où est-ce qu'il est? J'ai dit que tu reviendrais, mais t'es jamais rentré. Papa, t'es où? Papa, maman plaire au papa. T'es où, papa? Papa, papa. T'es où, papa? Maman plaire au papa. T'es où, papa? Oh. Au final t'es parti sans te retourner. Maman a pris ton rôle pour continuer. Et maintenant j'ai grandi, j'ai appris par moi-même comment respirer. À l'époque, y avait ni le temps ni le vif pour être écouté. Faut plus jamais revenir. Si tu demandes à mon cœur, il t'a oublié. J'ai tellement de choses à te dire, mais je préfère te montrer qui je suis. J'avais de la haine à t'offrir. Mon but c'était de ne jamais te ressembler. J'ai fini par ne plus t'haïr, mais je ne sais toujours pas si je t'ai pardonné. Yeah. Y'a plus rien à manger. Et tous aux tu m'as laissé tomber. Dis-moi, t'es où? Jamais rentré, papa.